suis pas bonnet, je suis le petit serf loup. Soldat debout, l'État à genoux. Même les plus jeunes veulent faire des sous. Je représente la France d'en dessous. Nous voulons tous passer par-dessus la barrière. Mais y'a qu'une seule issue. Trop de fer, on se repère, se noie dans la bière. Parfois, se trompe d'adversaire, ma foi. Reste un sou qui font la prière pour voir clair. Dans mon ghetto, malgré tout, les taux d'instabilité se resserrent. Avec les miens, j'adhère pour être en première position. Tant pis pour les retardataires. Wesh nigga, c'est trois mon doigt passé, moi et mes collègues. UADJ, c'est pour mes gars, les soldats insoumis, les insolents, les vrais renégats. On est des militants, militaris en tant qu'une. Nous méritons, mais on milite sans thune. L'État ne censure, pas de récite censuée. On vit dans des ghettos et c'est entre nous qu'on se tue. Voilà pour la frime des cash. Pro micro, c'est pour les frères la firme. BIS, nous on souffre pas des cash. On n'est pas les pédés, les traits du show business. Coup à coup sûr, démonter la brûlure, écarter la fissure. Yeah, d'ailleurs, t'as reconnu l'ordure. Ne viens pas me tester, j'ai les chicots tout durs. Ton équipe à côté, on l'a toté dans le mur. Moi j'suis venu pour foncer, moi j'suis venu tout briser. J'ai des mecs en respect, on digue. Le passage est étroit, ça ne te négocie pas, pousse-toi, fils ça. Il en faudra plus de trois, qui peut m'en empêcher. Le passage est étroit, on ne passera pas à trois. Alors fais gaffe à toi, même c'est chacun pour soi. Sollicite et pour s'en sortir sans études y'a pas 100 000 issues. Chacun sa solution, même si certains se sont laissés aller dans l'alcool, la fume et la solitude. Nous bavini ici y'a pour babiller, s'embrouiller pour de la merde, pour des babioles. On se fait piller par l'État, tire de la paix, se fait plier pendant que les moutons papillonnent avec le minimum. Amateur de résine, mon son est répulsif comme du grésil. Mon flou un coup de grisou, la métaphore, une baffe de grésil. Je peux t'ébarrer en grésil, dirait les flammes et là du Brésil.